Tebouti assure la mise en onde de la présentation Jean Bosco Ndouimana. Rebonjour, bienvenue Jean Bosco. Bonjour Balane, bonjour à tous. Radio Isanganiro, nous sommes jeudi 21 avril 2016. Très heureux de vous retrouver sur nos ondes. Voici tout de suite les grandes articulations de ce journal. Encore un haut gradé de l'armée burundaise tué, le colonel Ouzouana Emmanuel est mort hier soir, fusillé avec son chauffeur motard alors qu'il rentrait en zone urbaine de Kinama. La population rencontrée sur le lieu du crime par notre reporter réclame de la lumière sur ces assassinats ciblés. D'autres faits de criminalité nous ont été rapportés ailleurs dans le pays, notamment à Mugamba en province de Bururi et dans la province de Bujumbura. Les détails, c'est dans un instant, alors que nous apprenons à l'instant même qu'un employé de notre station vient d'être arrêté dans une rafle menée par la police anti-émeute. C'est au niveau de l'ancien marché central de Bujumbura. Aucune goutte d'essence ne peut être trouvée dans les stations de service de la province Ngozi, selon notre correspondant permanent qui signale déjà comme première conséquence une augmentation du prix du ticket de transport. Il sera en ligne depuis Ngozi. Et des commerçants de l'ancien marché de Kanyosha en réhabilitation ont vu leur stand fermé ce matin par la police. Aucune explication ne leur a été fournie alors qu'ils disent avoir les autorisations de la mairie de Bujumbura. Mireille Kanyangé a été là et est de retour. Le pont reliant les quartiers Kabondo et Oyua, l'avenue de l'Arche, peut s'effondrer à tout moment si rien n'est fait. De quoi susciter beaucoup d'inquiétude de ceux qui empruntent habituellement cette voie. Reportage dans ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour et bonne condition d'écoute. Une rafle vient de s'opérer au centre-ville de Bujumbura au niveau du kiosque Braroudi près des parkings. Plusieurs personnes, dont Gustave Ndikoumana, un employé de la radio Isanganiro, ont été embarquées par la police anti-émeute. Au niveau de la police, l'on indique qu'on n'a pas tous les détails sur ces arrestations massives. Je venais de vous le dire, un colonel de l'armée burundaise du nom de Ouzouana Emmanuel et celui qui le conduisait à moto sont morts hier, fusillés à la 5e avenue du quartier Bukirasazi de la zone urbaine de Kinama. Les voisins de feu colonel Ouzouana sont préoccupés par des assassinats qui visent les hauts gradés de l'armée burundaise et demandent qu'il y ait de la lumière sur ces assassinats ciblés. Évariste Zikobanyanga. Piga simu ila jimiju. Piga mwenyari kwa nayo le kijana mwingine na engora gira giza nyuma. Kuka kidogo, nika sikede kapitani piga simu eji. Mama grodo jana le maiti ya mzee ya baba na wala. C'est la femme de feu colonel de Ouzouana, Emmanuel, est tombée dans une embuscade lui tendue ce mercredi soir à 100 mètres de la route Bujumbura-Bubanza. Nous sommes au quartier Bukirasazi 1 dans la zone urbaine de Kinama. Cet officier de l'armée est celui qui lui conduisait sur moto ont rendu l'âme sur le coup comme un membre de la famille de feu colonel Ouzouana l'indique. Vers 19h, nous étions en tout cas surpris. Nous étions ici à la maison. On a attendu en tout cas de tir des balles. Bon, on ne savait pas ce qui s'est passé. Après un certain moment, nous avons eu un coup de téléphone. On nous a dit que M. Ouzouana a été tué. Mais on s'est posé des questions. On s'est demandé, en tout cas, on peut tuer quelqu'un. Sur son avenir, on s'est demandé. Bon, curieusement, nous sommes partis là-bas. Nous avons vu les cadavres. Les voisins de feu colonel Ouzouana disent être dépassés par des assassinats visant les hauts gradés de l'armée devenus monnaie courante. Ils demandent cependant la lumière sur ces assassinats ciblés. Nous demandons au chef de l'État d'éveiller sur l'ensemble du pays pour qu'il y ait la paix. Nous voulons la paix. Puisque nous nous posons des questions. Puisque si on tue quelqu'un, une autorité à 19h, maintenant les civils, ça sera comment pour eux? Leur sort, même s'il peut toutefois se déplacer vers quelque part pendant la nuit, il peut toutefois se déplacer. Il n'y a pas moyen qu'on puisse nous venir en aide. Nous voulons qu'il y ait la paix sur l'ensemble du pays. Nous demandons au chef de l'État, en tout cas, et aussi les membres à qui Ouzouana a travaillé ensemble avec eux, qu'ils puissent faire des enquêtes qu'il puisse nous aider pour savoir qui ont fait ces dégâts. Vous saurez que colonel de Buzubona Emmanuel est le quatrième officier de l'armée burundaise tué en une période de mois en mérite Bujumbura. Merci Évariste. Deux morts parmi lesquels un militaire en congé et trois blessés. Tel est le bilan d'une attaque perpétrée sur un débit de boisson de la colline Kivumo en commune Mugamba de la province Bururi le soir de ce mercredi. Christian Nkurunziza, gouverneur de cette province, confirme les faits, précisant qu'il s'agissait de militaires à la poursuite d'un groupe d'hommes armés qui y étanchaient leur soif. Cette autorité provinciale demande à sa population de se désolidariser d'avec les groupes armés. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Des informations sur place à Kivumo confirmé par le gouverneur de Bururi, indique que des militaires positionnés sur la colline Donge-Burasira ont été informés sur une éventuelle présence d'un groupe d'hommes armés dans un bar de la sous-colline Gishishima qui y prenait des boissons avec des civils. Vers 18h de ce mercredi, ces militaires y ont débarqué et des coups de feu ont retenti selon un témoin sur place. Le gouverneur de Bururi parle d'échanges de coups de feu sur le champ, deux morts, parmi lesquels un militaire en congé et trois blessés, parmi lesquels un policier également en congé. Une dame blessée a été évacuée dans un état grave, alors que certains parmi la population de Mugamba dénoncent des arrestations arbitraires et massives en cours. Christian Nkurunziza, gouverneur de Bururi, les appelle plutôt à dénoncer les perturbateurs de la sécurité pour leurs propres intérêts. Dans une fouille opérée ce jeudi matin au chef-lieu de la commune Mugamba, deux fusils ont été saisis, l'un dans un hôtel de Martin Douimana, l'autre dans une plantation de thé d'à côté, apprend-on du gouverneur de Bururi, qui ajoute que jusque ce mercredi, deux chefs collinaires de la zone Kivumu et le chef de cette zone avaient été arrêtés pour collaboration avec des bandes armées. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Un voleur a été tué, son fusil saisi par la population qui faisait une ronde la nuit de ce mercredi à jeudi sur la colline Gakungwe en zone Ramba. Nous sommes sur la colline Kabezi dans la province de Bujumbura. Le chef de cette zone confirme cette information, ajoutant que la carte nationale d'identité de la victime montre qu'il était natif de Makamba. L'arme saisie a été remise aux militaires du camp dit chinois. Selon les mêmes sources, deux autres voleurs aurait échappé à la vigilance de la population. Les sanctions prises par l'Union européenne de suspendre les aides directes au gouvernement burundais touchent souvent le petit peuple. C'est du moins l'avis de Jacques Wigirimana, président du parti FNL. Selon lui, l'Union européenne devrait plutôt entretenir de bonnes relations avec le gouvernement burundais pour que le petit peuple ne continue pas d'en subir les conséquences. Suivez Jacques Wigirimana. Le parti FNL trouve que ces sanctions sont de nature à déstabiliser la sécurité des citoyens. Parce que un ventre creux n'a point d'oreille. Aujourd'hui, le peuple risque de se plonger dans des situations de désespoir. Laquelle situation risque de créer d'autres subversions. Aujourd'hui, le peuple burundais souffre parce qu'on lui prive ses droits à la vie, ses droits à la nourriture, ses droits à l'éducation. Parce que tout dépend des aides extérieures. Au lieu de lui refuser les aides, plutôt de l'aider. Jacques Wigirimana, président du parti FNL, l'ont rappelé ici qu'il s'expliquait après que l'Union européenne ait pris des mesures de suspendre les aides directes au gouvernement burundais parce que le gouvernement n'a pas respecté quelques conditionnalités lui imposées, notamment en rapport avec la sécurité, les droits de l'homme et le dialogue inclusif. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, aucune goutte d'essence dans les stations-service Ngozi, et cela depuis trois jours. Parmi les conséquences immédiates notées, la hausse du prix du ticket de transport qui est passé du simple au double ou même au triple pour certaines distances. Apollinaire Mozagara est en ligne depuis Ngozi. Aucune station d'essence n'a aucune goutte sur les sept stations que compte la province Ngozi, et cela depuis trois jours. La situation des motos et des véhicules devient donc de moins en moins intense dans différentes rues du chef-lieu de la province Ngozi. Ceux qui continuent à circuler achètent ce produit à un prix exorbitant, soit 3 000 voire 4 000 francs pour le litre d'essence au marché noir. Conséquence, c'est la hausse du prix de transport, notamment pour les usagers de taxis motos. Et bon nombre de ces dernières sont pour le moment garées à la maison. Son prix de transport a doublé, voire triplé. On paie actuellement 1 000 francs pour un moto sur un trajet où on payait 500 francs seulement. pour faire Ngozi-Kayanza ou dans les autres provinces limitrophes de Ngozi à bord d'une voiture de transport dite Kagongo, le prix s'est vu augmenter de 500 francs, voire 1000 francs. Cette pénurie de d'essence affecte aussi des élèves des écoles maternelles éloignées de leur domicile qui sont déplacés à moto. Il y en a parmi eux qui ne vont plus à l'école ou qui y arrivent difficilement. Le conseil économique du gouvernement de Ngozi dit ne pas être au courant de la cause de cette pénurie d'essence. De Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Grogne de certains commerçants de l'ancien marché de Kanyosh actuellement en réhabilitation qui ont vu leur stand fermé au cadenas par des policiers le matin de ce jeudi. Ceux qui se sont exprimés ne comprennent pas pourquoi leurs kiosques ont été fermés alors qu'ils ont l'autorisation de la mairie de Bujumbura. D'autres avancent qu'il est difficile de travailler dans le nouveau marché du fait des pertes déjà enregistrées. Mireille Kanyangé les a rencontrés pour nous. Voici son reportage. Les stands fermés au cadenas le matin de ce jeudi par des policiers sont situés devant l'ancien marché de Kanyosh. Certains des commerçants ne savent pas sur quel pied danser au moment où ils disent avoir des papiers de la mairie de Bujumbura attestant l'autorisation de travail. Pour cette femme, c'est avec consternation qu'elle a vu son kiosque fermé. Nous sommes venus faire notre travail comme d'habitude. D'un coup, nous avons été surpris en voyant nos stands fermés par des cadenas. Nous ne savons pas pourquoi ils les ont fermés alors que nous avons des papiers délivrés par la mairie de Bujumbura. Alors que certains vendeurs font savoir que cet état de fait est dû au refus de certains commerçants à regagner le nouveau marché, celui-ci explique qu'il n'a enregistré que des pertes dans le nouveau marché à cause du manque d'eau courante. Quant à ce tailleur, il dit avoir passé 2 semaines dans le nouveau marché mais qu'il ne gagnait que 500 francs ou 1000 francs alors qu'auparavant, il pouvait facilement gagner 10 000 francs burundais. Auparavant, je gagnais entre 10 000 et 15 000 francs par jour. Mais après le déménagement vers le nouveau marché, je ne gagnais que 500 ou 1000 francs par jour pendant les 2 semaines que j'y ai passé. Alors, j'ai changé d'avis pour m'installer à l'endroit habituel, c'est-à-dire près de l'ancien marché pour avoir de quoi nourrir ma famille. Nous avons déjà payé l'impôt à la mairie. C'est pourquoi nous demandons l'ouverture de la stand. Sur ces différentes inquiétudes, que ce soit le commissaire de ce marché ou le chef de zone Kanyosha, ils nous ont renvoyés à la mairie de Bujumbura. Nous avons essayé de les joindre par téléphone, mais sans succès. Mireille Kanyangé, on termine l'actualité nationale avec ce reportage de Léonce Vitariho qui nous conduit au pont situé entre les quartiers Kawondo et Oloyua. Et ça, c'est à l'avenue du Large en mairie de Bujumbura. Ce pont est sur le point de s'effondrer totalement et à tout moment. Les véhicules sont obligés actuellement d'emprunter la seule voie qui est le trottoir pour pouvoir passer. Des propriétaires de véhicules rencontrés demandent avec insistance au gouvernement de tout faire pour que ce pont soit réhabilité. Léonce Vitaliou. Sur ce trottoir, habituellement destiné aux piétons et aux cyclistes, les véhicules passent un à un. Il est quasiment impossible de se croiser à deux. Presque tout le pont est décoré par des fissures. Des policiers sont présents à tout instant pour surveiller les passages, laissant les véhicules passer l'un après l'autre. Les chauffeurs qui empruntent l'audit pont indiquent qu'ils avaient eu de l'espoir, ayant appris qu'il allait être réhabilité, mais aujourd'hui, presque au bout de leur patience, ils se demandent où le gouvernement en est avec ce programme. Celui-ci est l'un d'entre eux, ils demandent tout au moins qu'on fasse le minimum, en attendant une solution à long terme à cette question. Je demande au gouvernement vraiment, il faut qu'il répare d'abord au moins les trous pour qu'on passe vite, vite. Je demande très fort gouvernement. Qui voit le problème qui est là. Suite à l'état actuel du pont, les propriétaires de véhicules sont obligés de conduire au ralenti. Ils implorent les policiers qui y travaillent de ne pas user de l'injustice en laissant beaucoup passer les véhicules d'un côté et non de l'autre. Que le policier qui est là, il laisse les voitures tous les côtés, 10 voitures, l'autre côté 10 voitures, l'autre côté 10 voitures, comme ça on passe sans problème. Pendant les heures du matin, à la mi-journée ou vers le soir, c'est là où il s'observe trop d'embouteillages autour de ce pont. Certains conducteurs préfèrent passer par les eaux de la rivière Mouha en aval du pont sur une distance de près de 100 mètres dans l'eau avant d'aboutir à l'autre rive. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez en N'Djamena, Djouba ou à Paris et partout ailleurs dans le monde. Voici quelques nouvelles brèves en actualité africaine. Au Tchad, l'inquiétude grandit chez les familles des membres des forces de sécurité dont on est sans nouvelles depuis l'élection présidentielle. L'opposition parle d'une soixantaine de personnes qui manquent à l'appel avec un point commun. Ils n'auraient pas voté pour le président sortant Idriss Déby à la présidentielle. Les familles s'inquiètent, les associations des droits de l'homme interpellent les autorités. Le ministre de la Communication a expliqué que tous ceux dont les noms ont été évoqués sont bien vivants et à leur poste, ce qui est loin de rassurer leurs proches. Et la communauté internationale se montre très inquiète ce mercredi pour le processus de paix au Soudan du Sud après les retards répétés pris par leur chef rebelle Riek Machar pour revenir dans la capitale Djouba où il doit prendre ses fonctions de vice-président de Salva Kiir. Il était attendu lundi ou mardi mais n'est pas arrivé à Djouba en invoquant des problèmes logistiques et administratifs. Pas sûr donc qu'il soit sur place dès ce samedi. De son côté, le gouvernement sud-soudanais invoquait mardi d'autres raisons à ses reports répétés, indiquant que les exigences de Riek Machar de rentrer avec 200 hommes en armes supplémentaires et un arsenal comprenant des missiles à visée laser et des mitrailleuses lourdes n'étaient pas acceptables. Ce mercredi, le chef rebelle disait avoir été autorisé par les autorités de Djouba à rentrer et dans les milieux diplomatiques. On craint qu'il ne s'agisse d'une manœuvre dilatoire pendant qu'il négocie les conditions de son retour dans la capitale où il doit reprendre ses fonctions de Premier ministre. Enfin, pour la première fois depuis qu'il est officiellement président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a été reçu solennellement par François Hollande à l'Élysée ce mercredi. Le président français François Hollande a salué un certain nombre de succès auxquels la France a contribué et a promis que Paris resterait aux côtés de Bangui dans la période cruciale qui s'ouvre en Centrafrique, où beaucoup craignent que ce pays ne disparaisse des préoccupations des bailleurs de fonds. À Paris, le président Touadéra a donc rappelé que son pays avait besoin de la communauté internationale pour se relever. Faustin Archange Touadéra a expliqué à son homologue que la Centrafrique avait aussi besoin de la voix de la France pour plaider sa cause dans les grandes instances internationales. Il est 13h12 à Bujumbura, 11h12 en temps universel. Voici le rappel des titres avant de refermer ce journal. Encore un haut gradé de l'armée burundaise tué, le colonel Wuzubona Emmanuel est mort hier soir, fusillé avec son chauffeur motard, alors qu'il rentrait en zone urbaine de Kinama. La population rencontrée sur le lieu du crime par notre reporter réclame de la lumière sur ces assassinats ciblés. D'autres faits de criminalité nous ont été rapportés ailleurs dans le pays, notamment à Mugamba en province de Bururi et dans la province de Bujumbura, alors qu'un employé de notre station a été arrêté tout à l'heure dans une rafle menée par la police anti-émeute au niveau de l'ancien marché central. Aucune goutte d'essence ne peut être trouvée dans les stations-service de la province Ngozi, selon notre correspondant permanent, qui signale déjà comme première conséquence une augmentation du prix du ticket de transport. Et des commerçants dans l'ancien marché de Kanyo en réhabilitation ont vu leur stand fermé ce matin par la police. Aucune explication, du moins pour l'instant, ne leur a été fournie alors qu'ils disent avoir des autorisations de la mairie de Bujumbura. Et le pont reliant les quartiers Kabondo et Oyua à l'avenue du Large peut s'effondrer à tout moment si rien n'est fait, de quoi susciter beaucoup d'inquiétude de ceux qui empruntent habituellement cette voie. Ainsi se referme ce journal. Merci à Toussaint Mitevoti pour la mise en onde. Merci à Marie-Ange Zeimana pour sa réalisation. À toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Je vous dis merci. Je vous retrouve à 16h05 pour le bulletin d'information micro Jean Bosco Nduimana. À mon après-midi.